Maxi Sud. Du coup, moi, je suis Justine Pouget. Je suis orthophoniste à Rieux-Pérou et surtout, je suis co-secrétaire de l'association de l'ESP de Ségalavior. Donc voilà, je vais vous présenter un peu ce qu'est l'ESP. Ce qu'est une ESP, je vais faire l'historique de la nôtre et ensuite, je vous présenterai nos actions. ESP, c'est équipe de soins primaires. Donc la nôtre à Ségalavior a été créée en 2017 et elle rassemble les professionnels de santé de 10 communes. Donc il y a Castanet, Colombiès, La Capelle-Blaise, La Salvetat, Le Bas-Ségala, L'Escurjaoul, Pradinas. Il y a 11 professions de santé différentes et dont 37 adhérents. Donc comme profession de santé, donc il y a les médecins généralistes, oui. Infirmiers, pharmaciens, kinés, orthophonistes du coup, et il y a aussi si je dis pas de bêtises, ostéopathes, psychologues, la DMR. On a une coordinatrice qui nous permet à l'ESP de gérer notre administratif, de gérer les actions, etc., de nous aider un peu dans nos démarches. Et donc ça nous fait un point de... La coordinatrice nous permet d'être un point de fixer les réunions, de fixer les ordres du jour, etc. Dans le bureau de l'ESP, on est 6. Il y a 2 coprésidents, 2 co-trésoriers et 2 co-secrétaires. Et on a essayé de faire varier les professions. Donc il y a kiné, infirmier, pharmacien, orthophoniste et médecin généraliste. Comme ça, plus on est de professions représentées, plus ça permet de parler aux professionnels du secteur. Quoi. Du coup, peut-être qu'on pourrait expliquer ce qu'est une ESP, à quoi ça sert. Donc, les équipes de soins primaires ont été créées en 2016 et elles sont issues de la modernisation. Enfin, elles sont là pour moderniser le système de santé. Donc, elles doivent être composées au minimum d'un médecin généraliste et d'un professionnel paramédical. Donc, les professionnels paramédicaux, c'est les kinés, les orthophonistes, les ergothérapeutes, etc. Le but, c'est d'offrir aux patients un parcours de soins coordonné. C'est que les professionnels de santé, en fait, sont en lien entre eux. Et donc, quand on a un patient en commun, on peut en discuter entre nous et ainsi améliorer son parcours de soins. Comme on a du lien entre chaque professionnel, ça permet aux patients que les informations soient justes, soient transmises de manière sécurisée et avec des professionnels de santé qui les connaissent en fait. Du coup, ça améliore leur parcours de soins. Le but aussi, c'est de mener sur le territoire des actions de prévention, du dépistage, de mieux orienter les patients aussi. Si par exemple, moi j'ai un patient, je me dis tiens, ça pourrait être intéressant qu'il ait un suivi kiné, je vais prendre contact grâce à mon réseau et donc grâce à l'ESP avec les kinés pour leur présenter les patients. Puis quand on a des patients en commun, on peut en discuter, fixer des objectifs ensemble ou se faire part des forces, de nos inquiétudes, etc. Et aussi, donc je disais prévention, dépistage, orientation et et l'éducation à la santé aussi. Donc nous, notre association, elle touche de 0 à 99 ans, quoi. Tous les patients, tous les usagers du territoire, en fait, toutes les personnes vivant sur le territoire. Et donc de coordonner les suivis des patients. Excusez-moi, par rapport à l'équipe de soins, vous parlez des patients tout à l'heure. Oui. Par rapport à la problématique qu'il y a au niveau médical, que nous, on a beaucoup de retours, c'est-à-dire les gens disent, médecin, on va à Villefranche ou même Rodez. Bien sûr. Les kinés ne nous prennent plus, on va sur Decazeville. Négatif ce que je dis. Non. Mais est-ce que votre but reste au niveau patient ou il y a une démarche également pour faire venir également des professionnels à Rieux-Pérou? Complètement, complètement. C'est une question très, très intéressante et c'est aussi notre rôle en tant que SP de renforcer l'attractivité de notre territoire au niveau de la santé pour faire venir d'autres professionnels, parce que Ségala-Vior, c'est un désert médical. Nos listes d'attente sont énormes. Les gens, comme... Vous diriez que c'est un désert médical? Oui, je pense. Oui, pour moi, c'est un désert médical. Oui, oui. Ah oui, c'est un désert médical. Oui. Je vais parler de ce que je connais là. Nous, notre liste d'attente ici en tant qu'orthophoniste est de minimum 1 an et demi. C'est-à-dire que quand quelqu'un m'appelle aujourd'hui, je pourrais lui donner un rendez-vous dans 1 an et demi. Et les médecins, certains ne peuvent même plus prendre de nouveaux patients. Les kinés, c'est pareil, leur liste d'attente est super longue. Donc voilà, le but aussi de l'ESP, au-delà de tout ce que j'ai décrit tout à l'heure, c'est de renforcer l'attractivité de notre territoire et rechercher activement des nouveaux médecins, rechercher activement des professionnels de santé, être aussi pour des personnes potentiellement intéressées, que ces personnes-là puissent nous contacter, nous, qu'on leur donne toutes les informations du territoire. D'ailleurs, voilà, on a mis en place avec l'ASSO un pack d'accueil pour les nouveaux professionnels, les internes en médecine aussi. On est en train de répertorier là aussi, vu qu'on relance l'association. On est en train de répertorier ce que les mairies ont à offrir aux médecins qui voudraient s'installer sur le territoire, mais aussi, pourquoi pas, à d'autres professions de santé, des logements, par exemple, ou des... Voilà, tout ça. Vous avez tout à fait raison. Notre but aussi en tant qu'ESP, au-delà du patient, c'est aussi d'offrir plus d'offres de soins et de professionnels sur notre territoire, quoi. Parce qu'en effet, on est un désert médical. Donc je ne sais pas si je réponds bien à votre question, mais voilà, c'est notre rôle aussi, et c'est aussi le but, le fait de se coordonner et de se lier tous ensemble, ça nous rend plus forts pour montrer que on est dynamique, qu'on fait plein de choses, et c'est aussi notre aspect, on est en train de la relancer, de mettre en place des actions sur le territoire pour montrer que voilà, on est dynamique, on est une équipe assez jeune, et du coup on a envie d'attirer d'autres professionnels de santé, quoi. Je sais pas après qu'est-ce qui paraît très présent. Donc là, voilà, l'association a été un peu endormie depuis quelques années. On avait un peu, le projet s'était un peu essoufflé. Et là, on a décidé lors de la dernière assemblée générale, donc en mai 2025, de repartir. Donc on a recréé un bureau. On a réengagé une coordinatrice. Et donc voilà, notre but là, c'est de... On a différents objectifs, mais le premier, renforcer la coordination entre les professionnels de santé du territoire pour amener à une meilleure attractivité. Donc voilà, on va mettre en place... L'idée, c'est de mettre en place des projets pour fédérer les professionnels de santé. Donc ça, c'est en cours. Et parallèlement, on mène des actions de sensibilisation pour les personnes vivant sur le territoire. Par exemple, on a mené des actions de prévention... on va mener des actions de prévention autour du cancer. On a participé activement à Octobre Rose en tenant un stand, etc. Donc pour récolter des fonds pour la Ligue contre le cancer. Et donc là, il y aura d'autres actions qui vont arriver en 2026. Donc toujours avec la Ligue contre le cancer. Il y en aura d'autres aussi. Le but, ça va être... Attendez, ça je sais pas si c'est encore officiel, je pense que oui. On va organiser très certainement sur notre territoire une journée pour accueillir les internes et les stagiaires et les étudiants en santé pour leur faire découvrir le coin, etc. Donc ils auront des activités à la fois touristiques, culturelles et sportives, pour leur montrer que notre territoire vit et qu'on peut faire des choses super sympas. Donc ça fait aussi partie de notre rôle d'organiser ce genre de journée. On a travaillé aussi en lien avec la CPTS Posavie. Donc la CPTS Posavie, c'est la coordination des professionnels de santé, mais sur un beaucoup plus grand territoire. Donc ça concerne tout l'Ouest, Aveyron, si je ne vous dis pas de bêtises. Et en lien avec eux, on a mené une campagne autour de la santé mentale. Voilà. Donc nous, notre rôle, c'est de faire du dépistage et de la prévention. Et ensuite, je sais pas si... Ensuite, s'il y a un truc important aussi, c'est que là, dans notre... dynamique, il y a des professionnels qui se sont formés à ICOP. Je ne sais pas si vous en avez entendu parler. Donc, ça concerne la fragilité de la personne âgée. C'est le dépistage des fragilités chez les personnes âgées. Et il y aura une journée de dépistage qui va être réalisée par les professionnels de notre territoire formés le 10 mars.